bariki. Que le Seigneur vous bénisse. Comme annoncé le dimanche, Pakavile turi tangaza msiku ya juma. Le frère Stéphane Kunda est arrivé, celui qui doit prendre la chair et la chair de ce soir. Yenjwa tanza maubiri kuanzia mangaribi ya leo. Le frère vient de notre assemblée se situant entre Kitwe et Ndola. Ndugu yetu anatokea makutano yetu yenye upatikana katikati ya Kitwe na Ndola, Zambia. Êtes-vous dans la joie de le recevoir? Eti Mungu mfurahi ya kumpokea? Et de le saluer au nom de Jésus. Na kumsalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Amen. C'est la première fois, soyez indulgent, il prêche en Swahili. Juma la ya kwanza mumvumilie atahubiri mu Swahili. Ça va? Nous vous invitons, frère. Tunamalika. Salimu makutano mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je salue l'assemblée dans le nom de notre Jésus Christ. Nami salimu wote mujina la Bwana wetu Yesu Christ. Je vous salue tous dans le nom de notre Jésus Christ. Bali makanisa yote mina pita. Dans toutes les églises où je suis passé. Bali ni chargé ni mirete ma salamu. Ils m'ont chargé de vous apporter leurs salutations. Makutano ya pafungurume. L'assemblée sœur de Fungurume. Ya Pashonongo. Du Shonongo. Mafashi mingi tu nilipita. Il y a différents endroits par où je suis passé. Nilisalimia mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vont saluer dans le nom de Jésus Christ. Paka vile mtumishi anasema. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu venait de le dire. Mi natoka pale Mpongwe. Je viens de Mpongwe en Zambie. Ni tauni yiko mon province ya Copper Belt Ndola. C'est une province qui se trouve là, c'est une ville qui se trouve dans la province de Copper Belt à Ndola. Ni karibu na Kapiri, plus près de Kapiri, Luansha, plus près de Luansha, c'est juste là au milieu. Ni pale minatoka. Bantu yenu kule ngambo bali misalimia mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Simame tusomene neno la Mungu pour la lecture de la parole de Dieu. 2 Samuel, Samuel wa pili, chapitre 1, sura ya kwanza, tanza au verset 17. Nous allons commencer au verset 17. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Tazama nyimbo ya kilio ile Saul Daudi alitunga. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Nakamuru baifundisha kwa watoto wa Yudea. C'est le cantique de l'arc. Ni nyimbo ya kinara. Il est écrit dans les livres du juste. Imeandikwa mu kitabu ya wenye haki. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Ile mfundi wa Israël aliuawa yula milima yako. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Mufundi wa Israeli alikufa aliuawa yule milima ndogo. Sont-ils tombés? Je bashuja walianguka? Ne l'annoncez point dans Gath. Musitangaze kamwe Mugadi. N'appliez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Musitangaze l'habari mubarabara ya Ascaloni. Les filles de Philistines ne se réjouissent. Ili wabinti wa Filistini washifurahiwe. J'espère que les filles des incirconcis ne triomphent. Ili wabinti wa watu washokutairiwa washipate ushindi. Verset 25. Comment des héros sont-ils tombés? Oui, washujaa walianguka. Au milieu du combat. Katikati ya vita. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je, Jonathan alikufa yula milima ndogo yako. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Niko katika uchungu juu yako, Jonathan, ndugu yangu. Tu faisais tout mon plaisir. Ulikuwa na furaha yangu, unakuwa unafanya furaha yote. Ton amour pour moi était admirable. Upendo wako juu yangu. Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armées se sont-elles perdues? Mungu abariki usomi wa neno lake. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Mungu mfalme na Bwana wetu Yesu Kristo. Éternel Dieu, notre roi et notre Seigneur Jésus-Christ. Tunakukaribia mara tena magharibi ya leo. Encore une fois ce soir, nous sommes approchés de toi. Tunakuja paka hivi tuiko. Nous sommes venus tels que nous sommes. Uturumie. Pardonne-nous. Kwa yote tulikosa mbele yako na mbele ya bantu. Nous avons fait des mal devant toi et devant les hommes. Wakati tunafika hapa kuna kizuri tunakuletea. En venant ici, nous n'avons rien de bon. Tunakuletea manafsi yetu. Nous avons apporté nos âmes. Tupate kuyokoa. Pour que tu puisses les sauver. Tupate kuyurumia. Tu puisses les pardonner. Les vrais ne sont pas dignes. C'est toi qui es digne devant nous. Fais-nous grâce. Ule anakuya mgonjwa mtunze. Ule anakuya malade, ule anakuya asikujue akujue. Ule anapenda kusamehewa umsamehe. Tunataka sisi wote mikononi mwako. Ubariki wafanya kazi yako mwiyekalu. Ubariki nafsi yote inafika hapa. Ubariki neno tunasoma. Tunaamini iliandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kutafsiri. Tunaomba Roho wako Mtakatifu ashuke. Que ton Saint-Esprit na atafsiri maneno tupatie uzima. Tunaacha yote mikononi mwako. Utuongoze mwanzo na mwisho. Du début jusqu'à la fin. Jina la bei. Dans le nom précieux. Jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. God bless you. Mungu ibariki sana. Amen. Amen. Dio mtakuwa na nyurumia. C'est vrai, vous allez me pardonner. Mais kama mina ponyoka. Il y a des fois que je me... Nazoea, unajua kudunia. Vous savez, dans le monde. Mina zoea, maluga ya kule ngambo. Je suis habitué aux langues de la Zambie. Kasema kilamba. Les lamba. Kasema maluga, ma dialecte ya kule ya. Je peux parler les dialectes de là. Aina juu ya kumivuruka. Ce n'est pas pour vous confondre. Ni zoezi ya maluga. C'est juste une habitude à ces langues. Amen. Amen. Lakini nitafanya nguvu kama mimi de mon mieux. Kama mimi napotea, si je m'échappe un peu, nirudie haraka. Que je puisse revenir rapidement en Swahili. Mimi sijue Swahili. Je ne connais pas. Sijue français. Sijue anglais. Sijue lugha yoyote. Je connais pas n'importe quelle langue, mais ile mimi najua. Ni kumiletea neno ya Mungu. Vous apportez seulement la parole de Dieu. Amen. Amen. Ma lugha isituvuruke. Les langues ne peuvent pas nous troubler. Inatoka kwa Mungu. Les langues viennent de Dieu. Tunasema, nous disons, je comment Basuja, les héros bananguka, sont-ils tombés? Amen. Amen. Au tuseme tena. Ou disons encore. Ni je ba Kristo ba mingi bananguka muimani leo. Je sais que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tombés dans la foi. Ni tu ya nini? Ba minifu ba mingi leo bananguka muimani. Tu ya nini? Pourquoi? Batumishi ya Mungu bale balianzaka mzuri neno ya Mungu leo banesha anguka inafanikisha ni nini? Hata Mungu kumwanzo même au début Dieu alijiulizaka sana. Il s'est aussi posé la même question. Amen. Amen. Kila saa ya magharibi alikuwa anashuka eko anasumbulia na watoto yake Adam na Eve. Adam na Hawa kila siku ya magharibi chaque soir alikuwa anashuka. Il descendait. Lakini siku moja, un jour, wakati alishuka, quand il était descendu, kuangalia fashi pale walikuwa nakutanishana na watoto yake, watoto yake hawanako. Ses enfants n'étaient pas à cet endroit. Akaanza kuwatafuta. Il a commencé à les chercher. Akalalamika. Il a crié. Adam uko wapi? Adam, où es-tu? Adam akajibu. Adam, mwenye kujificha. S'étant déjà caché. Asema mimi nafichama. Je me suis caché. Minasikia pale huko nakuya. J'ai entendu quand tu venais. Minapichama. Et je me suis caché. Unapichama juu ya nini? Pourquoi t'es-tu caché? Ah, ulikula. As-tu mangé? Unavunja neno. As-tu transgressé la parole? Amen. Amen. Kila saa. Chaque fois. Mtu kama anaribisha neno ya Mungu. Transgresse la parole de kama anavunja neno ya Mungu. Dès qu'il détruit la parole de Dieu. Shetani ule alikuingisha mpeche. Le diable qui t'a entraîné dans le péché. Eko anakuambia sema. Il dit encore. Si chama. Cache-toi. Usiende hata kwa kanisa. Ne va même pas à l'église. Bata kupatisha haya. Hivi unafanya dhambi banesha jua. Usiende hata kanisa umkatalie. Ne va même pas à l'église. Il faut lui résister. Aliwaambia sema hivi mnakuwa. Yeye ndo aliwaingisha mdhambi. Anaangusha mwanadamu mdhambi. Anakosanisha mtu na Mungu. Il a opposé l'homme à Dieu. Na mtu alijikuta yuko mbali. Anasikia haya kuonekana macho ya Mungu. Kama aliamua aende ajifiche tu. Lakini Mungu wa huruma. Mais le Dieu compatissant. Alikuwa kumtafuta. Il est venu chercher. Basi uko wapi? Akasema mimi napitama niko uchi. Siwezi nionekane hivi mbele yako. Devant de toi tel que je suis. Amen. Amen. Joya nini badada wale walianzaka mzuri neno ya Mungu. Leo banashanguka. Leo abaonekane. Bana sitama. Ni nini inafanishisha? Tulizane. Posons-nous cette question. Amen. Amen. Mungu akuishia pale. Aliendelea. Anamwambia. Ni nini inafanishisha? Ulikula kumuti nini nilikukataza? L'arbre dont j'étais interdit de toucher. Ndio ni mwanamke. C'est vrai, c'est la femme. Mwanamke. La femme. Juu ya nini na wewe? Toi aussi. Ni nyoka. Oh non, c'est le serpent. Mungu. Dieu. Alikuwa na susi na batoto yake. Il avait les soucis pour ses enfants. Lakini wakati ya anafika peko nyoka. Lorsqu'il est arrivé. Pankosa yake nyoka. Du péché. Vile nyoka alitenda zambi. Comme le serpent avait commis le péché. Vile nyoka alivuruka plan ya Mungu. Comme le diable avait vraiment troublé le plan de Dieu. Kamuliza. Il lui posa la question. Yeye akumuliza. Au serpent, il n'a pas posé la question. Yeye akumuliza. Il n'a pas posé la question. Ni pale pale automatically. Instantanément. Akaanza kumpatia hukumu yake. Lakini watoto yake bo, alikuwa anawauliza, ni nini unajikuta unafanikisha ujikute mwi hali? Na wewe utuulize. Unatembea sana. Tangu uliamini. Angalia kwanza. Bizile ulianzaka nayo. Bizile ulikuwaka nayo ya imani, mapendo ya neno ya Mungu ile ulikuwaka nayo. Utuulize kwanza leo kama iko vile vile, au kama inapanda au inaisha rudia kumkonga. Kama inarudia kumkonga, ni nini inafanishisha? Amen. Amen. Mwe neno ya Mungu. Dans cette parole de Dieu. Fundisho, dans cet enseignement. Nous allons y voir. Ma point ya kuachana chana. Ile iko nafanishisha. Ba mingi kuanguka muimani. Arrive à tomber dans la foi. Amen. Amen. Ju ya ona. Ah. Ju ya utukufu. À cause de la gloire. Hein? Ona. La gloire. Jo vile. Amen. Ju ya ona. À cause de la gloire. Ba mingi bananguka. À cause de la. Juu ya wanawake. À cause de femmes. Ba mingi bananguka. Beaucoup sont tombés. Juu ya makuta. À cause d'argent. Ba mingi bananguka. Beaucoup sont tombés. Juu ya kiburi. À cause de ba mingi wanaishanguka muimani. Beaucoup sont tombés dans la foi. Amen. Amen. Ilikuwa wakati David anafika ku France kule kumvita. C'était au temps où David était arrivé au front. Bana mtuma. On l'a envoyé. Baba yake alimtuma na chakula. Mon père l'a envoyé avec manger. Wende kule ku France. Bala au front. Kule kuko watoto wa Israel. Kule wanapigana vita. Ils sont tentés de mener la guerre. Ilikuwa ni vita ya watoto wa Israel. C'était une guerre. Beko napigana na Wafilisti. Contre les Philistins. Amen. Amen. Mnakumbuka? Vous en êtes mnakumbuka? Vous vous rappelez de ça? Mambo mnajua? Vous connaissez bien l'histoire. Amen. Amen. Kisha David akaenda kufa. David est arrivé au front. Kafika kule. Quand il est arrivé là-bas. Kuangalia. Voyant. Banduku yake. Ses frères. Banalala. Déjà banaongopa. Ils avaient peur. Kuangalia ngambo ya pili. Il a regardé de l'autre côté. Kulikuwa giant. Il y avait un géant. Kulikuwa ki giant. Il y avait un homme très géant. Mwanaume. Un brave. Munene. Il était gros, Mwefou. Géant de grande taille. Et il marchait. Anaenda huku. Il allait à gauche. Arudia huku. Il revenait à droite. Anaenda huku. Il allait ça et là. Aiko na lalamika. Il criait. Mwe watoto wa Israël. Les enfants d'Israël. Chimulamusha ta moya. Il levait quelqu'un d'entre vous. Quelqu'un qui est plus fort parmi vous, qu'il se tienne debout. Kisha aliongeza. Et il a ajouté. Na maneno ingine. Avec d'autres propos. Ekwa na zarau. Il méprisait. Batoto ya Mungu. Les enfants de Dieu. Ekwa na zarau. Il méprisait. Mungu wa milele. Les dieux éternels. Ni ile ilifanya. Ce qui a fait que. David akashinda kuvumilia. N'a pas pu supporter cela. Akasema akauliza. Il a posé la question. Nani ule. Cet homme là. Incirconcis. Qu'on choque ta hérite. Ekwa na chambula Jehova. Qui est en train d'outrager Jehova. Il insulte même le peuple de Dieu. Comment j'ai senti? Quand tu entends quelqu'un Nazarao, en train de mépriser les enfants de Dieu, Nazarao, il est en train de mépriser les serviteurs de Dieu, Nazarao, il est en train de mépriser l'église de Dieu, les dieux du Dieu éternel. Toi aussi tu entends cela. Biko na kufanya je. Qu'est-ce que tu as toujours ressenti? Ye David. David. Ah, bili mufanya mubaya. Ça fait très mal. Akauliza. Il a demandé. Na huyu mtu. Et c'est toi ici. Kama mina muua, itakuwa je. Qu'est-ce qui adviendrait? Bakubwa yake pale walisikia vile. Quand ils apprirent cela. Bakampokea weye hata makelele. Kama nakusikia ule. Utatuletea mambo matatuo. Angalia vile tunaisha ficha mtu chama. Comment nous sommes déjà cachés à cause de lui? David s'est dit, Minauliza, je pose la question, je, qu'est-ce qui adviendrait à celui qui va à la base de celui-là, c'est un héros, c'est un héros le camp des nations. Amen. Amen. Na huko ku Congo chimuko na bahero. Ici au Congo aussi vous avez aussi des héros. Mwili tu. Voilà. Utawala wa Congo ama wa Zaïre. Des gens qui dominent sur la République. Vous avez na history. Vous avez l'histoire. Kuko bantu bale munaisha hiyo. Vous appelez comme des héros nationaux. Des héros nationaux. Ni muntu ule. C'est un homme qui aliona vile ba congolais. Comment les Congolais. Ama wa Zaïrois. Vile ba kwa na ikala na una. Haipendezwe hivi. C'est pas normal. Muntu yafaye ko na uhuru mwili. Et la liberté, son indépendance, Mie, moi, j'appellerai lui seul Ero, un héros, quelqu'un qui n'a pas peur des ennemis, ni muntu ule, quelqu'un qui est déterminé dans tout ce qu'il entreprend, Ero, ni muntu ule, un héros, quelqu'un qui n'a pas peur. Eko tayari il est prêt qu'il soit marqué pour laisser jina. Son nom. Amen. Amen. Il laisse un nom sur cette terre. Et quand il entre dans ses services, comment on va l'appeler? Qu'il soit rebelle, qui qu'il soit, mais lui, ça ne peut pas le préoccuper. Il sait qu'il est dans son cœur. Afanye ile kazi, il atteint cette aitimize, il anajua kwanza, il sait d'abord mwanzo, au début, ya faini zarauliwe, il faut que je sois méprisé, et à la fin, c'est alors que la gloire me reviendra. Amen. Amen. Sa vile mulikuwa, mukongo mulikuwa, ba Mobutu Sese Seko. Comme à l'époque, au Zaïre, il y avait Mobutu Sese Seko. Mulikuwa ba Laurent Désiré Kabila. Il y avait Laurent Désiré Kabila. Nafikile bale mnajua kama d'autres aussi qui Lumumba. Comme Lumumba. Uko ni kukongo. Ici c'est au Congo. Kule kwetu ku Zambia. Chez nous en Zambie, il y a aussi des héros. Sasa wakati mimi niko na kuya. Alors en venant. Amen. Amen. Kutoka mu Lubumbashi. Juste quand j'ai quitté Lubumbashi. Kupita pale patane yo. Juste au tunnel. Après de va dépasser. Kuna kwa njia inaenda ku airport. Qui tend vers l'aéroport. Hapa hivi. Il a à la bifurcation. Ya inaenda Likasi. Il y a la route Likasi. Inaenda airport. Qui va vers l'aéroport. Mnaona pale? Vous voyez cet endroit? Hapa hivi katikati hapa hivi. Au milieu. Mnaona hapo nini? Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Il y a un monument. Hein? Ya, peko monument. Il y a un monument. Peko kikintu kile banajenga. Kama unachangalia kinafanana na nani? Ça ressemble à qui? Ya. Ule munaita ni hero. Ni hero wa Congo. Hero. Bana kiweka pale juu ya nini? Ni juu ya kwanza kukumbuka. Ule muntu vile alifanyaka. Sinjo vile. C'est comme ça. Mambo ile alifanyaka. Vizuri vya Congo. Watu weko na mkumbuka. Na leo wengine bana kama alikuwa hapo kama alikuwa kama. Ni mfano tu na mipatia. Haina paka mu Congo. Ukienda mu Zambia na moja kutanisha vya vile. Ukaenda Angola, ukaenda Uganda, ukaenda wapi? Utakutanisha vya vile. Vous y trouverez toujours des tels monuments. Amen. Amen. Mimi nilibeba hapo fundisho. Moi j'ai tiré une leçon. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez qui êtes héros? Vous êtes aussi les héros de Jésus. Cette Bible ici contient des noms de tels qu'ils ont servi Dieu. Amen. Amen. Vile bari mutumikia. Tels qu'ils ont servi. Bengine, il y en a d'autres. Matisema, qui se sont dit. Pali pa kuabudu Mungu hapa pa dunia. Le Dieu de ce monde que j'aime. Tu ya kuabudu Mungu wa milele. Adorer si seulement wezi, le Dieu. Je ne peux pas. Nigeuke tena. Mimi niko naabudu Jehova. Moi je suis en train d'adorer Jehova. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Et ils ont pris la décision pour la parole de Dieu. Étant donné, comme les autres meurent pour le monde. Amen. Bale ba hero, ces héros là ba mukongo, du Congo bali kufia, qui sont morts juste pour le pays. Sasa Mungu na yeye, mais na Dieu aussi eko na ba hero bake, a ces héros qui meurent non pour le monde mais ne meurent pas pour la, la, le corps mais ne meurent pour la parole de Dieu, la vie éternelle. Tayari, ils sont prêts bakufwe, ils meurent à cause de Jésus tayari, ils sont disposés bakufwe, de livrer leur vie pour la gloire de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bali kuwako ils étaient aussi là. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Et les autres, il y a Daniel. Il y en a beaucoup. Samson. David. Nous allons citer des noms. Nous allons nous fatiguer. Il y en a nombreux. Amen. Lakini hapa tunaona. Mais ici nous voyons. Wakati David, lorsque David aliuliza, a posé la question. Alifika kwa mfalme Saul. Il est arrivé devant le roi Saül. Il lui pose la question. Itakuwaje kwa mtu atamua ule? Cet homme-là qui doit abattre ce géant. Saül akamwambia uko mtoto. Et lui dit, non, tu es encore jeune. Akamdekuraje man. Il a découragé comme le Kishad. De toute manière, mais David alisimama na uhakika. Il est tenu là avec certitude que j'ai une expérience. J'ai une expérience avec mon Dieu. Je sais d'où je viens. Toi aussi, ne te souviens pas d'où tu es venu. Les grandes choses que Dieu a déjà faites dans ta vie. Combien de bienfaits Dieu a déjà fait. Souviens-toi, rappelle-toi de la de bienfaits de Dieu. Souviens-toi de voir par lesquels Dieu t'a déjà délivré des différents dangers. David s'est souvenu que celui-là n'y a rien. Je me rappelle comment Dieu m'avait épargné des animaux féroces et avec celui-ci, de la même façon que Dieu m'a épargné, de la même façon qu'il m'épargnera de ses mains. Il n'y a rien dont vous avez peur ici. C'est vrai, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Je ne peux pas y entrer en détail. Lorsqu'il a eu encore l'autorisation, David est arrivé là au front, il a mené un combat contre, il a terrassé rapidement. David est allé, il est descendu, il a décapité. Quand il a coupé la tête, il a mené à soulever cela, la tête de Goliath. Il disait, la victoire est retournée dans notre camp. La victoire, maintenant, quand les femmes israélites ont entendu, ils ont vu cela, elles ont commencé à chanter, David, c'est lui les bras, tous les héros, et non ça, David en a tué 10 000. Avez-vous compris? Mais c'est là qu'a commencé les problèmes. Et c'est là que David, il a tué 10 000, Saül en a tué 1 000, David 10 000, Saül El Fumoja. Et David devant, avec la tête de Goliath, et les femmes derrière, ils le louaient, les jouaient, ils chantaient à la gloire de David. La gloire, nous devons la connaître à Dieu l'Éternel. La gloire n'est pas digne à un homme. Même s'il priait pour toi, tu es guéri, il ne faut pas le glorifier, il ne faut pas le glorifier. Il faut que la gloire revienne à celui qui t'a créé. En moi, il n'y a pas de guérison. Moi, il y a point de délivrance. Le salut, c'est tout dans le camp de Dieu. La guérison est avec Dieu. C'est Dieu seul qui est digne de toute gloire. David, il a entendu cela, comment on les louait. David, 10 000. Saul, 1000. El Fumoja. Saül, El Fumoja, David, El Fukumi, Saül, El Fumoja, Saül, Saül, il a entendu cela. Quoi? Ce jeune homme ici? Amen. Nini? C'est quoi cela? Maintenant, c'est la popularité. La popularité. La gloire. Saül s'est dit, ce n'est pas possible, c'est moi qui suis le roi. On m'a arraché pour dire que moi j'en ai tué 1 000 et David en a abattu 10 000. Ce n'est pas possible, c'est moi qui suis roi. Pour ma gloire, on peut en donner à ce jeune homme. Amen. David lui aussi il entendait cela. Comment on chantait, on entendait à sa gloire, comment on le louait. Tu entends seulement, on commence tellement à kouinoua. Amen. Mon frère, sister, ma dada, utukufu inaanza kupanda. Maintenant, on commence à te glorifier tellement. Unapasha kusema. Tu dois dire. Unapasha kukalme. Tu dois kubashusha, tu kubatuliza. Jokosa na yeye alifanya David. C'est ça aussi la faute qu'a commise David. Jokosa na yeye David alifanya. C'est ça la faute qu'a commise David. Alipasha bakemee. Il devait le reprendre. Mushinimbie mie. Il faut pas me louer. Mushinipatie utukufu. Il faut pas me glorifier. Kama mimi namwangusha ule. Je l'ai battu Goliath. Mimi simwangushe kwa nguvu yangu. Lakini anaanguka kwa uwezo wa Jehova. Ni Mungu ndio anamwangusha. Mungu alinitumikisha tu. Mungu alinitangulisha kwa tu. Lakini ule alikuwa mvita. Anamie. Lakini ni Mungu wa milele. Utukufu kumwimbie yeye. Retourner à Dieu. Il n'a pas dit cela. David. Il attendait tellement, il était content de cela. Dieu aussi ne peut pas se réjouir. Il a dit qu'il doit revenir à Dieu, revient à un homme. Là, tu t'es attiré des problèmes. Quand tu entends les gens commencer à te glorifier, tu commences à t'élever, tu dois être prudent. On est en train de creuser pour toi une fosse dans laquelle tu vas tomber. Pourquoi les héros sont-ils tombés? La gloire. Nous devons nous éloigner de la popularité. Quoi que tu fasses, unasikia bantu. Tu entends seulement les gens dire, banaanza kusema, ils commencent à banaanza dire que, ils commencent à t'élever. Ah, huyu dada. Oh, cette fille, oh, ce frère. Kama anaimba. Si il chante, kama anapika guitare. Si il joue à la guitare. Kupika guitare mzuri sana. Jouer correctement la guitare, c'est ni une bonne chose. Kwa Mungu. C'est une bénédiction devant de Dieu. Mais souviens-toi hauna que wa tu n'es pas le premier leo à jouer à la guitare aujourd'hui. Hauna wewe wa kwanza tu n'es pas le premier à chanter pour Dieu. Ule alianzaka hii kazi ya kuimba. Leo yuko wapi? Où est-il aujourd'hui? Lucifer anesha anguka. Lucifer est déjà tombé. Tu as kuimba kuzuri. Tu as bien chanté. Kuna letaka. Cela attire kiburi. L'orgueil. Kuimba mzuri. Chanter, c'est une bonne chose. Tunapenda kuimba ni kuzuri. Chanter, c'est une bonne lakini chose. Lakini kalanguka. Tu dois être prudent. Wakati uko naimba. Quand tu chantes, omba Mungu. Prie Dieu. Akupatie roho ya kujishusha. D'humilité. Akupatie nguvu. Il te donne akupatie la force. Kujishusha. Il te donne de l'humilité. Tu as nini? Pourquoi? Ule mwenyari anzaka kuimba. C'est lui qui avait été le premier kuimba. C'est lui qui a été le premier chanteur. Alileta kuimba. Alianzia hapo kuimba. Wewe uyaimba. Avant que tu aies même chanté. Lui avait déjà chanté. Aujourd'hui, où est-il? Il est déjà tombé. Tout est à kuimba. À cause de chanter. Amen. Amen. Kuimba kuna tembea pamoja na neno ya Mungu. Marche à des pères avec la parole de Dieu. Ni poste mzuri sana. C'est un bon poste, ni kazi mzuri. C'est un bon office. Lakini ba mingi wanaanguka tu ya kuimba. Beaucoup sont tombés à cause de chanter. Amen. Amen. Nakumbuka siku moja. Je me rappelle un jour. Wakati Elisha walimwendea. Lorsque Elisha. Bafano metatu weko naenda kupikana na Edom. Mener la guerre contre Edom. Na Moab. Ainsi que Moab. Wakati walitoka bende, lorsqu'ils ont quoi mule, sur le chemin, wakajikuta mai habana nayo inaisha, bado wayapigana na Moab, avant qu'il n'ait mené la guerre contre Moab, ils se sont demandés, hapa hivi tunafika, hakuna mtumishi wa Mungu, il n'y a pas un kule tunaweza kwenda kuuliza hako mapenzi ya Mungu, nous pouvons aller demander la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tuulize mtumishi wa Mungu, consultons la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, dans ce que nous sommes en train de faire, quelle est la volonté de Dieu? Ils se sont concertés. Ils ont dit, Élisée. Ils sont allés voir Élisée. Élisée leur a dit que, avant que je ne vous ai dit quoi que ce soit, cherchez-moi d'abord celui qui sait comment chanter. Amen. Amen. Celui qui sait chanter. Quand vous cherchez une réponse venant de Dieu, cherchez-moi quelqu'un qui sait comment chanter, qui vient ici, qui chante. Et non chanter pour le prophète, et non chanter pour le pasteur, mais qu'on chante pour louer Jéhovah. Car les cantiques que nous chantons lui arrivent, il les a tous écoutés, et il se réjouit de cela. Amen. Amen. Kama viumbe vyake. Il est ses créatures. Bantu bale ali, les gens aliokoa. Que lui a sauvé. Les gens que lui a créé. Eko namwimbia patunia. Eko nasikia mzuri. Ule anajua kuimba kuye. Et celui qui sait chanter vienne. Akakuya. Il est venu. Aliimba. Il a chanté. Kisha kuimba. Et après avoir chanté. Jo mtumishi wa Mungu. C'est alors que le serviteur de Dieu s'est retrouvé. Il leur a donné la solution venant de Dieu. Amen. Amen. Kuimba. Chanter. Ushimbe sawa pente. Faut pas chanter comme les pentecôtistes. Amen. Amen. les pentecôtistes, c'est chanter pour qu'il soit, qu'on le voie. C'est chanter pour qu'il soit connu. Si cet esprit-là entrait en toi, prie Dieu qu'il puisse ôter cet esprit-là. Prie. Il ne faut pas t'amuser. Prie. Car tu es plus près de tomber. Et ta chute à toi, enfant de Dieu. Ta chute, la chute d'un enfant de Dieu. Tu es un seul enfant de Dieu. C'est une honte pour l'Église. C'est une perte pour nous. Vous n'avez pas compris que si toi tu tombais comme mon frère, il ne faut pas te croire comme si tu étais inutile. Tu es très important devant Dieu. Si tu tombais, Dieu vraiment est dans la porte. Nous serons confus. Juste la fidèle, c'est l'enfant de Dieu. C'est une honte pour l'Église. Ce n'est pas une chose pour laquelle nous devons réjouir. Si vous entendez ce dans votre cœur là, vous sentez que et aussi moi je ne jouais pas au tambour, au drum. Si moi je ne jouais pas au drum, si je ne jouais pas au synthé, si moi je ne jouais pas à la guitare, si je ne chantais pas, c'est moi qui ai connu comme il y a une belle voix. Sois prudent, ta chute est si imminente. Amen. Amen. David ne les a pas arrêtés, il les a laissés chanter, les louer, ils ont chanté, David a fait tomber 10 000, Saül, El Fumoja, ils ont chanté, et après que Saül ait appris cela, il s'est dit en lui-même, ah, c'est comme ça que c'est arrivé David, qui a commencé aujourd'hui, on l'a élevé de plus que moi. C'est ça même la guerre qui amène aujourd'hui dans ce message. C'est la guerre qui amène entre les serviteurs de Dieu, les anciens et ceux qui sont venus récemment au ministère. Celui-ci a commencé aujourd'hui. Il a été tellement élevé de plus que moi. Nous ne servons pas Dieu comme si c'était une compétition goubétiane. Nous ne servons pas Dieu comme si c'était une concurrence. Ça c'est pour les pentecôtistes. Nous servons Dieu avec toute humilité. La gloire qu'il y a dans la parole de Dieu soit retournée à l'auteur de la parole de Dieu et non à moi. Ah, bah, Léo, c'est d'aujourd'hui. Ils disent que non, les anciens sont déjà tombés. Comment peux-tu parler de la sorte? Avec quoi est-ce que tu as cette conviction? Qui t'a dit que les anciens sont déjà tombés? Sont-ils tombés avec quoi? Ils sont tombés. Mais là, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi aussi, tu es déjà tombé en le pointant de la sorte. C'est quelque chose que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas te réjouir de cela. Ce n'est pas quelque chose qui peut apporter la joie. Même si tu entendais parler que un enfant de Dieu est déjà tombé dans le péché, ce n'est pas ton sujet pour aller répandre ça et là. C'est vraiment une chose honteuse pour un païen. Est venu te dire que nous avons appris que dans votre église là, que telle sœur a été rendue grosse, on l'a rendue grosse par un païen, un homme du monde. Oh tel frère, a fait ce qui était là. Non. Comment peux-tu commencer? Comment peux-tu commencer cela? Écoutez. Maintenant, Saül akakuwa na fitina. Lorsque Saül eut la haine against David. À l'égard de David. Pour dire celui-ci, je vais là-bas, je vais l'acquérir. Mais David lui, il savait que Saül. Quand même Dieu l'a déjà abandonné, c'est un héros de Dieu. C'est un oint de Dieu. Nous devons nous honorer. Vous êtes des oints de Dieu dans cet âge de la fin. Les oints du temps de la fin, c'est vous qui êtes ici. Nous devons nous reconnaître. Nous devons aussi nous honorer. David honorait David. Saül. Il savait que Saül était un serviteur de Dieu. C'était un oint de Dieu. siwezi kumgusa. Je ne peux pas le toucher. Lakini Saïli yeye alikuwa anatafuta kila saa namna gani nitamuua huyu nimtoshe pa dunia. Tu anamemba utukufu yangu. Prima gloire, il m'a arraché la gloire. Amen. Amen. David yeye alikuwa anatembea na ile roho. David ne marchait pas animé de cet esprit là. Alikuwa anamheshimia. Il honorait. Najua bali mpakala huyu ni mpakaliwa wa Mungu. Il était loin de Dieu. Siwezi kumgusa. Je ne peux pas le toucher. Siwezi kugombana naye. Je ne peux pas mener une guerre contre lui. Aujourd'hui comment? Nous allons combattre dada na dada ben dévoré, vous dugu na ndugu ben kuamini neno. Les frères et les mêmes paroles. Vous ne vous aimez pas. Amsumbulie. Vous ne parlez pas. Amsalimianake. Vous ne saluez pas. Wewe wote bawili mnashanguka. Alors vous tous deux vous êtes déjà tombés. Amen. Amen. Lakini David, mais David lui, yeye akuwa na kitu ndani ya roho yake. N'était pas animé de mauvais esprits. À l'égard de Saül. Siku moja David, un jour David, eko pale ko naimba na gitara yake. En train de jouer à sa guitare. Eko naimba. Il chantait. Anaimbia Jehovah. Il chantait à la gloire de Jehovah. Ndio anakombolewa. Comment il a été délivré? Kumbe Saül eko na kuja. Alors Saül venait. Na mshale. Avec sa lance. Eko anakuya. Venez avec. Tamuvamba wapi mtoto? J'attrape cet enfant. Tu ananinyanganya utukufu. Car il m'a arraché toute ma gloire. Tupendane. Aimons-nous. Batumishi ba zamani. Les anciens serviteurs. Batumishi ko nazaliwa leo. Les anciens qui viennent au message. Nous devons nous respecter. Tuheshimiane. Nous devons nous respecter. Na pale tunaheshimiana. Et en nous respectant mutuellement. La gloire revient à notre Dieu. Bale beko nazaliwa leo. Ceux qui commencent aujourd'hui dans le ministère. Muduma. Dans le ministère. Batizalau bale bali. Qui ne puissent pas mépriser. Bale balikuta. Ceux qui les ont précédés. Bale ba zamani. Les anciens. Na wao batizalau leo. Et aussi ne puissent pas mépriser ceux qui viennent au ministère. Tout cela c'est le service de Dieu. Tous sont serviteurs de Dieu. Alors que Saül venait, il venait, il attendait le guet, il a lancé sa flèche, sa lance. Alors que Jéhovah était là, il lui a dit incline-toi, et la lance est passée. À deux reprises, il l'a pas atteint. Mon frère, ma soeur, en tout lieu où tu te retrouves, en tout lieu où tu te pousses tes pieds, toi en tant qu'enfant de Dieu, là où tu es, Dieu est avec toi. Là où il y a un enfant de Dieu, Jéhovah revient aussi à ce même endroit. Nous ne marchons pas seuls. Et c'est que Dieu nous épargne, c'est que Dieu combat pour nous. Il y en a beaucoup que nous ne voyons pas. La guerre que nous avons est si grande. Nous avons beaucoup d'ennemis, mais nous ne les voyons pas avec nos yeux. Pourquoi cela? Dieu nous aveugle pour que nous ne soyons pas orgueillés. Mais que je parle comme pas matin, saïe, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à les pièges du diable par lesquels nous avons passé sont si nombreux. L'éternel seulement, c'est lui qui est devant nous. Il a coulé partout, mais nous nous sommes passés sur des choses mortes. David a été épargné. Mara mingi, maintes fois, alikuwa anamtega, il lui tendait des pièges, mais il ne l'a pas atteint. Kufwa kwetu. Notre mort, ni paka yeye ce n'est que lui-même signé. Kama ya signé. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore signé, isikia, aussi longtemps qu'il n'a pas encore décidé, nous vivrons ako. Et même demain nous serons en vie. Nini? Pourquoi? Atuishi kwa nous ne vivons pas de nous-mêmes. Atuishi kwa nous ne vivons pas de notre propre Aina corps. Kwa yetu. Ce n'est pas par notre calcul, lakini, mais ni kwa nema tu c'est ya par la grâce de Dieu. Siku moya, un jour, sayu, lui-même Saül, alikuwa kumvita mu France. Il était au front. Il était en guerre contre les Amalécites. Amen. Il vita. Cette guerre. Bado ayakuya, avant qu'il n'arrive. Mungu alimwambiaka Saül. Dieu avait dit ceci à Saül. Wende upigane na Amalécites. Va mener la guerre contre les Amalécites. Mugini yao. Le guerre, yote na kupatia mikono. Je te le donne. Wende upigane nao. Va mener une guerre contre eux. N'épargne quoi que ce soit. Livre tout à l'interdit. Uwa. Livre tout à l'interdit. Extermine. N'épargne personne. Dieu est avec nous. Pourquoi? Kumbele, il avait vu d'avance que ces gens-ci devaient mener une guerre contre ses enfants. Alors toi, je te donne ce travail. Va dans leur ville. Uwa. Extermine. N'épargne personne. Saül est parti, ainsi que son armée, ils sont entrés dans cette ville-là, ils ont mené la guerre, ils ont tué tout le monde, mais il a épargné le roi, Il a épargné. Il prit certains bœufs. Il a mis ça de côté. Alors que Dieu lui avait dit de livrer tout à l'interdit, d'exterminer tout le monde, ne laisse personne. Amen. Amen. Lui a caché quelque chose. Il a caché d'abord le roi. Toi aussi. Dieu te dit, les péchés qu'il y a dans ton cœur, prends la résolution, l'épée qui est la parole de Dieu, tu dois vraiment mettre dans mon sang, ne laisse quoi que ce soit, mène contre le diable jusqu'à ce que tu le vois à terre. Si tu le laissais, si tu laissais ne plus qu'un seul péché, si tu négligeais un seul ce petit péché-là, un jour vient, ça va te mener une guerre. Amen. Amen. Jésus dit que si un mauvais esprit quittait un homme, anaendaka, ça va. Anaenda, là où ça s'en va, ça va tourner pour chercher où ça peut se réfugier. S'il ne trouve nulle part, ça revient pour vérifier dani mule. Là à l'intérieur. S'il trouve qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il trouve qu'il n'y a pas la parole de Dieu, il ne va pas entrer seul. Il va chercher maintenant des démons plus forts que lui. Quand ils vont venir à tête dans cet homme-là, pour dire que la vie de cet homme-là deviendra plus pire que celle qu'il menait avant. C'est quoi ça? Ne néglige pas un péché dans ta vie. Tu dois haïr tous les péchés et prendre l'épée qui est la parole de Dieu pour dépiécer cela, mise à morceaux. Tu dois mener le combat contre le diable et qu'il puisse partir. Le seul roi là. Amen. Amen. Au fil de temps, ils se sont maintenant organisés, ils sont devenus nombreux. C'est maintenant eux qui se sont souvenus. Ces rois-là s'étaient souvenus que Saül, lui, c'est lui qui avait investi notre ville, il avait tué tout le monde. Nous aussi, comme nous sommes devenus maintenant nombreux, maintenant c'est une occasion pour nous. Nous devons mener la guerre contre lui jusqu'à l'abattre. Avez-vous compris? Vous avez tiré une leçon là-bas. Les péchés que tu gardes dans ton cœur, c'est comme un locataire que tu as gardé dans ton cœur. Aujourd'hui, il se manifeste, tu l'as négligé. Il y a un jour où il y aura maintenant plus de force pour t'écrouler et te tuer. Amen. Amen. Et après, Saül était au front, Mapambano. Il menait la guerre. La guerre faisait rage. David n'était pas là. David était à la maison. Et là au front, Mapambano. Kule Mapambano. Saül menait la guerre. Il reçut une lance. Il lance la tête et Saül, et le sang a coulé. Il a perdu beaucoup de sang. Il a perdu beaucoup de sang. C'est en brousse là-bas. Amen. Amen. Quand le sang a beaucoup coulé, il a perdu petit à petit la force. Il s'est dit que il a eu des vertiges. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez, enfant de Dieu? Et quand Saül ressentit des vertiges, était fatigué, il dit à son militaire qui était à côté de lui pour lui dire que prends l'épée, maintenant tu dois m'achever. Car quand les ennemis viennent, ils me trouvaient ici, on dit, ils vont me faire souffrir tellement, car ils se réjouiront de ma chute. Toi, comment peux-tu te réjouir lorsqu'il y a une sœur qui est tombée, lorsque les frères tombent, un serviteur de Dieu qui est tombé dans le péché, toi tu te réjouis? Non, tu n'es pas dans notre camp. Tu n'es pas de notre camp. Un enfant de Dieu, voyant seulement un enfant déjà tombé, d'abord tu dois avoir honte. Pourquoi nous n'acceptons pas qu'un enfant de Dieu peut arriver à commettre un péché? Ça nous ne l'acceptons pas. Pourquoi? Car il est avec Dieu. Maintenant aujourd'hui s'il tombait, nous allons dire quoi? Nous allons dire que c'est par accident. Ni accident. Ni kwarafla, ni musibatu. Aina kutaka kwake. Ce n'est pas de sa volonté. Ananguka, aina kutaka kwake. Ce n'est pas de sa volonté. Na wewe usifurahiwe. Il ne faut pas que tu te réjouisses. Il ne faut pas faire une fête à cause de la chute de l'enfant de Dieu. Si tu te réjouissais, tu es un païen. Amen. Amen. Wakati. Lorsque. Ule askari wake. Lorsque son militaire lui dit que prends l'épée pour m'achever seulement que je meurs, car si mes ennemis ne doivent pas se réjouir de ma mort, ils vont beaucoup me faire souffrir. Maintenant il faut que tu m'achèves. Ces militaires a eu peur de prendre l'épée pour toucher un ouet de Dieu. Il a honoré, il a respecté. C'est lui qui l'a mis dans son office. Dans Amen. Respecter un serviteur de Dieu, c'est respecter celui qui l'a placé dans son service. Il eut peur. Il dit non, c'est un ouin, je ne peux pas le toucher. Et après de lui-même, lui-même, Saül, il mit l'épée et il s'enfonça l'épée de lui-même et il est mort. Lorsqu'il est mort, alors là, sur la montagne, il avait les Amalécites, un jeune homme Amalécite. Il observait comment Saül s'était donné la mort. Il est allé rapidement pour amener la bonne nouvelle, alors que ce n'était pas une bonne nouvelle. Amen. Amen. Bio sana, très vite. Il est allé devant le roi David, dit que nous étions là au front. J'étais apporté une nouvelle. David, quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Parle d'abord. Mais de toi-même. Tu viens d'où? Qui es-tu? Amen. Amen. Mupagani, un païen te fait asseoir, te dit non, toi ici, nous avons appris que dans votre église là, votre pasteur, votre diacre, telle soeur, votre soeur, celui-là, le vôtre a fait ceci. Écoute un peu David. Le jeune homme a dit, nous étions là à la guerre. Maintenant là, à la guerre au front, Saül, le roi Saül, il a reçu la lance, et après, voyant qu'il était fatigué, c'est-à-dire qu'il m'a appelé moi, pour me dire que je puisse l'achever, et j'ai pris mon épée, je l'ai décapité, et il est mort. Regarde les armes je te les ai apportés pour te confirmer que ton ennemi, n'est plus, il est déjà mort. M'avez-vous suivi? Pourquoi vous qui êtes héros vous tombez? David a appris cela. Un héros est tombé. Maintenant écoutez, David s'est dit, quoi? Ce que tu dis là c'est la vérité? Toi, païen, de dehors, comment as-tu su que Saül est mort, Saül est tombé? Dis, j'étais là. Tu étais sur place. Oui, lui-même m'a dit de prendre mon épée que je puisse l'achever. Quand tu es en train de répandre les faiblesses des frères et sœurs, tu es en train de les tuer. Amen. Amen. Quand nous parlons en mal les uns contre les autres, quand nous parlons en mal les secrets des serviteurs de Dieu, les faiblesses, des serviteurs de Dieu, quand tu es en train de les répandre, oh, il a fait, c'est une épée que tu as toujours prise pour l'enfoncer. Tu n'es pas différent d'un criminel, d'un meurtrier. Église, avez-vous bien suivi? Tirons une leçon là-bas. Tu peux te trouver un problème avec Dieu en parlant de mal, de loin du temps de la fin. N'ose pas. N'ose pas parler en mal des faiblesses, des oins de Dieu qui sont ici. Il n'ose pas. Naomba Mungu imangaribi. Et prie Dieu ce soir qu'il te donne la force. Même si tu entends parler, même si ton mari commence cela, dis-lui que il ne faut pas attiser la malédiction dans notre foyer. Arrête ça. Mais il ne faut pas me souiller. Même si c'est ta femme. Oh, les conducteurs ont fait. Oh, j'ai vu ceci. Oh, j'ai appris ceci. Il faut le faire taire. Il est tenté de creuser pour toi de se purifier. Il attire la malédiction sur toi. Amen. Amen. David lui demanda. Toi-même. Tu es d'où? Oh, je suis à Maléfique. Quoi? Maintenant, vous, votre camp, c'est de côté et le nôtre de ce côté-ci. Comment t'as-tu appelé? Non, moi j'étais plus près. Maintenant, il a fait venir un jeune homme, son militaire. Viens. Viens avec l'épée. Il s'est approché. Suis-moi ce jeune homme. Umuwe. Tu l'es. Bakamkata. Et on l'a décapité. Et cet Amalécite est mort sur place. Pourquoi? Wakati gari mzima akamuliza toi. Comment n'as-tu pas eu peur de tendre ta main sur un oin? Amen. Amen. Ce oin-là, c'était l'ennemi à David. David mais là, David, quand il a appris cela, il a organisé le deuil. Il a commencé à pleurer. Oh, oh. Ero, Shuja, comment es-tu tombé? Et ton arme a été emportée. Où est ton arme? Oh, héros de Jéhovah, comment es-tu tombé? Ce n'est pas un sujet de joie, c'était un sujet de chagrin. Une sœur tombe dans la foi. Nous n'allons pas nous réjouir. Ça ne va pas nous apporter la joie. Tu dois en avoir honte. Car ce soir, on a jeté nos pommes sur toi. C'est une défaite dans notre camp. Tenez-vous ferme avec la parole de Dieu. Tombez à chaque occasion, sache que tu es en train de donner la force aux païens. Tu dois tenir ferme. Demeure dans la parole de Dieu. Sers Dieu. Prends l'épée. Vous tombez. C'est parce que vous négligez la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ce soir, nous sommes devant Jéhovah. Celui qui donne la force. Prie-nous qu'il nous restaure la force. Qu'il nous donne la force de la foi. Qu'il soit ferme. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur nous au devant des païens. Amen. Amen. Comment n'as-tu pas eu peur? Dada, ma soeur, dougou, frère, mupagani, un païen qui commence à te demander mambo ya umu, les choses de notre camp. Apan? Non. Na we, et kinwa, toi tu ouvres ta bouche et tu commences à lui répondre. Apan? Non. Umufoke? Tu dois le faire, le reprendre. Demande-lui toi. Wapi? Où est-ce que tu pries? Ah, oh, moi, niko je suis pentecôtiste. Oh, moi je suis catholique. Oh, moi je suis 30e. 30e. 40e. Ou 41e. 45e. Ou 45e. Non. Nous sommes à 45 km de Dieu. Nous ne sommes même pas à 30 km de Dieu. Nous ne sommes pas de la 7e communauté. Maintenant toi. De la 45e communauté, 45 km, comment as-tu su les choses de la maison? Parle d'abord. Tu dois les reprendre. Toi, tu es de la 45e communauté. Toi, de la 40e communauté. Je ne sais pas où tu te trouves. Maintenant, demande-lui, pose-lui la question. Avec colère. C'est vérité. Vous devez protéger les enfants de Dieu. Tu protèges les serviteurs de Dieu. Quand bien même que tu aies vu cela, même si toi aussi tu as appris cela, mais n'encourage pas qu'on puisse se répandre partout. C'est ta honte. Comment peux-tu commencer? Toi, tu es de la 45e communauté, pas comme moi. Je ne suis pas de la 45e. Je ne suis même pas du 7e jour. Je ne suis pas de moi, je suis de l'intérieur. Car notre Dieu, il ne faut pas l'adorer à partir de 45e kilomètre. Non. Il faut l'adorer étant dans ton cœur. Mangaribi aleo, pour ce soir, que Dieu vous bénisse.